désespoir et sans joie. Ou laissez-moi tout près trembler, oh baby. Dans le noir, tout seul chez moi, en cas senti moins oublié. En coucher, qu'à penser, mais pas vers mes yeux, ni trop d'images qu'à effiler. C'est encore secret, quand garder au fond de Dieu, il sera campé. Shopping.